Chapitre 5. Depuis un moment déjà, le colonel et sa femme étaient revenus avec leur fils dans le salon après le dîner, et aucun d'eux n'avait pu encore se décider à prononcer les paroles qui allaient faire tant souffrir Raymond. Celui-ci, dans le fauteuil qu'avait occupé la mère de Paul, parcourait un journal. Il semblait distrait, et tout à coup, relevant la tête, il demanda, en regardant ses parents, « Qu'y a-t-il donc ? Vous n'avez presque rien mangé, maman, et tous deux, vous vous efforciez de conserver votre mine habituelle. » Le colonel posa sur la table, près de lui, la revue qu'il feignait de lire, et Madame Even interrompit son ouvrage de crochet. Ce fut elle qui répondit « Il y a quelque chose, en effet, mon enfant. Berthe est venue cet après-midi. » Elle vit Raymond se raidir comme pour recevoir un coup prévu. Sa voix prit une inflexion plus douce encore, plus tendre, pour continuer. Paul reprend sa parole. Elle dit qu'elle s'est trompée, qu'elle n'a pour toi qu'une affection de sœur. C'est Daubré qu'elle épouse. L'accent bref, presque dur, fit tressaillir Madame Even. Oui, comment le sais-tu? Au Grand Sapin, j'avais déjà senti un changement chez elle pendant et après le séjour de cet homme. Depuis notre retour, cette impression s'est accentuée. Elle semblait gênée à mon égard et parfois montrait une froideur calculée. Je ne voulais pas l'interroger, car je ne suis pas homme à mendier l'affection qu'on me retire. Mais j'espaçais mes visites, comme vous vous en êtes aperçu. Il ne me plaisait pas, étant donné surtout la fortune de Paul, de m'imposer comme fiancée, alors que, chaque fois quelque chose dans l'accueil, dans la conversation, me donnait à penser qu'on ne voulait plus voir en moi que le cousin. Ainsi donc, j'étais préparée à ce que vous venez de m'apprendre. Ce n'est pas dire que j'en souffre moins. Madame Even se leva et, rapprochant son fauteuil du siège de Raymond, entoura de son bras les épaules vigoureuses. « Mon cher enfant !» Toute sa tendresse maternelle était contenue dans ces mots. Le colonel s'écria, d'une voix que l'émotion enrouait, « Ces femmes sont folles, car enfin, il n'est pas possible que Paul soit heureuse avec ce Daubré. » « Pauvre petite Paul !» Madame Even sentit Raymond frémir sous son bras. Quelle pitié douloureuse s'exprimait en ces trois mots. Paul, la chère fiancée, qui l'aimait naguère, Paul s'éloignait de lui, allait à un autre, à ce Daubré indigne d'elle. « C'est odieux !» dit-il sourdement. « Elle se laisse prendre par ce beau parleur, doublé d'un ambitieux sans scrupule, et quel réveil ensuite !» Le colonel grommela. « Sa mère est 10 fois plus folle qu'elle. Cet homme l'a embobliné, c'est certain, et il n'y a pas eu beaucoup de peine. » Tête sans cervelle, cette Berthe. Le pauvre Robert en a plus d'une fois souffert. Oui, elle s'est engouée de ce Daubré et a probablement poussé de toutes ses forces à la rupture de nos fiançailles. Paul n'a pas une nature capable de résister à une pression habile. Puis Daubré est adroit, il aura su la flatter, se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Évidemment, évidemment, avec la complicité de Berthe, il était assez facile de circonvenir une petite nigaude de cette espèce. Au fond, mon cher ami, tout cela ne prouve guère en faveur de l'intelligence et de la valeur morale de Paul. Cela prouve sa faiblesse, dit brièvement Raymond. Il se dégagea doucement du bras maternel et se leva en ajoutant « Il faut que je la voie. « Je veux qu'elle me dise elle-même ce que sa mère est venue vous apprendre. » Madame Even dit anxieusement « Mon pauvre enfant, quelle nouvelle souffrance !» Puis elle ajouta aussitôt « Tu as raison, fais-le !» Il s'approcha de la cheminée pour regarder l'heure à la vieille pendule dont les petites colonnes de marbre blanc supportaient un cadran serti dans un cercle de bronze doré et ciselé. 8h15, je la trouverai si elle ne dîne pas en ville. Il revint à sa mère, se courba et mit un baiser très long sur le front encadré de bandeaux bruns légèrement ondulés. « À tout à l'heure, maman, priez pour moi !» Quelques minutes après, il s'en allait dans la nuit froide. Mais il ne sentait rien, ne s'apercevait même pas qu'une fine neige commençait de tomber. Sa pensée restait concentrée sur sa souffrance, sur l'aboutissement douloureux de ce rêve qui avait enchanté son adolescence et sa première jeunesse. Cependant, le coup ne l'avait pas pris au dépourvu, comme il avait dit à ses parents. Depuis des semaines, il le sentait venir. Paul s'éloignait, Paul s'en allait vers le mirage. Quand il fut devant le vieil hôtel dont Madame Berthe occupait le second étage, quand il commença de gravir l'escalier de pierre dont la rampe était si gracieusement forgée, il eut un serrement de cœur en se rappelant sa douce joie lorsqu'il venait voir Paul et l'élan heureux de sa cousine quand il entrait. Fini cette joie, fini ce tendre accueil. Tout cela n'était plus que du passé. La femme de chambre l'introduisit dans le petit salon où il avait passé tant de soirées près de Paul. Madame Berthe était là, assise devant le bureau ancien et occupée à écrire. Elle eut un sursaut à la vue de l'arrivant. « Toi, Raymond, tes parents t'ont dit cependant ?»« Je suis au courant et je viens parler à Paul. » La physionomie de Madame Berthe témoigna d'une très vive contrariété. « Écoute, mon ami, tu aurais pu éviter cela, cette chose pénible pour vous deux. » Elle glissait un coup d'œil inquiet sur la physionomie décidée de Raymond. Il riposta froidement. « J'ai le droit de demander qu'elle même me rende sa parole, comme elle me l'a donnée, librement, le jour de ses 18 ans. » « Mais, mon ami, vous pouvez bien m'accorder cette satisfaction in extremis, ma tante. » Elle rougit, cinglée par l'ironie du ton. Je voulais épargner une souffrance à Paul, d'autant que, ce soir, elle est assez mal à l'aise et vient de se retirer dans sa chambre. Oh, ne craignez rien, je ne vais pas la supplier de revenir sur sa décision. Je suppose qu'elle l'a prise après avoir réfléchi mûrement. Pas davantage, je ne lui adresserai de reproches. Mais j'ai une question à lui poser, une seule. Vous ne pouvez pas me refuser cela. » Elle hésita, puis se leva en disant avec mauvaise grâce « Si tu y tiens absolument !» Elle sortit du salon. Raymond demeura debout dans cette pièce où si souvent il avait eu avec Paul de longues causeries. Quelques beaux meubles anciens, des tentures aux teintes délicates, un tapis clair sur lequel couraient des guirlandes de roses pâles, lui donnaient une élégance discrète. C'était là un cadre qui convenait à la grâce fine de Paul, et Raymond avait songé plus d'une fois qu'elle en trouverait un semblable chez lui, chez ses parents. Madame Berthe reparut, suivie de sa fille. Paul était très pâle, dans son déshabillé de crêpe de Chine bleu pan. Mais dès qu'elle se trouva sous le regard de son cousin, le sang monta à son visage. Elle vint à lui en disant « Tu as désiré me parler ?» Sa voix tremblait. Raymond serra légèrement les doigts très froids. Il tendait tout son être pour réprimer l'émotion qui l'envahissait devant ce pur amour de sa jeunesse, jusqu'alors associé à ses projets d'avenir. « Oui, j'ai une question à t'adresser. Tu retires la parole que tu m'avais donnée ?»« Maman a dû expliquer à tes parents pourquoi je devais le faire. » Elle baissait un peu les paupières. Une de ses mains se crispait sur la légère étoffe de sa robe. « En effet, mais je tiens à l'apprendre de ta bouche. » Il vit sur ses lèvres un long frémissement. « Pourquoi me demandes-tu cela, puisque tu le sais ?»« Parce que je veux que tu me dises toi-même que tu ne m'aimes plus. » Elle eut une longue hésitation, puis sa voix un peu basse répondit « Je t'aime comme un cousin, comme un frère. Tu ne m'as jamais aimé autrement. » Ils se trouvaient tous deux dans le cercle de lumière que formait la lampe posée sur le bureau. La robe de Paul prenait des reflets plus vifs, ses bras sortant de la manche large paraissait d'une blancheur presque diaphane. Paul leva les yeux et regarda Raymond, dressé devant elle, avec toute la vigueur élégante de sa jeunesse, avec son regard un peu impérieux, où paraissait l'ardente vie de son âme. Il répéta, d'un ton qu'il maintenait ferme, « M'as-tu aimé autrement ?» Les beaux yeux gris se mouillèrent. De nouveau, ils se cachèrent sous les paupières, tandis que Paul répondait, la voix un peu enrouée, « Je ne sais pas, je ne crois pas. Et aujourd'hui, tu es sûre de ne pas m'aimer, puisque tu retires ta promesse ?» Paul ne répondit pas aussitôt. Derrière elle, Madame Berthe pinçait les lèvres en jetant sur Raymond des regards sans bienveillance. « Non, je ne t'aime pas comme tu le voudrais. » Et relevant les yeux, Paul ajouta, d'un ton doux et gêné, « Pardonne-moi, Raymond !» Sans paraître l'entendre, il demanda, « Depuis quand t'en es-tu aperçu ?»« Mais il y a peu de temps. Depuis que Daubray a commencé à te faire la cour ?» Elle eut un geste de protestation. Madame Berthe fit quelques pas en avant et sa voix s'éleva, un peu irritée. « Ni Paul ni moi n'aurions permis que Daubray courtise à celle qui se considérait à ce moment comme un peu liée à toi par une promesse assez déraisonnable, il faut l'avouer, car ces amourettes de cousins sont souvent peu profondes. Il leur faut l'épreuve du temps et celle de la vie. Ainsi en est-il pour Paul. Elle a reconnu que ses sentiments à ton égard n'étaient que fraternels et que son cœur allait à un autre. Loyalement, elle te l'a fait connaître. » Admettons qu'elle n'eût pas connu Daubray, elle t'aurait peut-être épousé, croyant sincèrement t'aimer, et se serait aperçue trop tard de son erreur. Il est bien préférable, avoue-le, que ce malentendu se trouve dissipé alors qu'il est encore temps d'y remédier. Tout à fait préférable, en effet. Daubray s'est présenté à point pour épargner à Paul cette pénible désillusion. Il ne l'a pas courtisé, c'est entendu, le cœur de Paul est allé spontanément à lui. Tout est donc pour le mieux et je te tiens quitte de tes promesses, Paul, de tes affirmations d'amour qui ne furent que des erreurs de ta jeunesse. Effaçons donc le passé, autant du moins qu'on le peut. » Ces paroles tombaient avec une netteté, une froideur qui semblait bouleverser Paul. Elle était maintenant redevenue très pâle. Avec un accent de prière, elle demanda « Nous ne serons pas brouillés pour cela, Raymond. Nous resterons de bons cousins, bien unis, bien affectueux. » Il eut une sorte de sourire dont l'ironie douloureuse échappa à Madame Berthe, mais non à Paul. « Il n'est pas question de brouille. Ce ne sera plus comme autrefois, voilà tout. » Puis il s'inclina devant Madame Berthe avec un froid « Bonsoir, ma tante. » Paul fit un pas et saisit la main de son cousin. « Tu ne m'en veux pas trop, dit mon ami. » Elle l'implorait de la voix, du regard plein de larmes. Puis elle inclina un peu la tête, semblant offrir son jeune front au baiser de Raymond, comme elle l'avait fait si souvent. Une souffrance aiguë lui traversa l'âme en la voyant ainsi tout près de lui, en respirant le parfum de sa jeunesse, de cette beauté un peu fragile qu'il aimait, qu'il avait considérée toujours comme devant lui appartenir. Il s'écarta légèrement en la regardant pour emporter la vision d'une Paul qui n'était plus à lui, mais qui n'appartenait pas encore à un autre. Pendant un instant, ses yeux retrouvèrent la douceur amoureuse que Paul y avait vue si souvent. Il dit brièvement, avec une intonation un peu brisée, « Je me souviendrai toujours que tu as été mon premier amour. » Il retira sa main qu'elle serrait inconsciemment et sortit du salon. Madame Berthe s'approcha de sa fille, posa une main sur le bras qui tressaillit. « Vraiment, il aurait pu t'épargner cette émotion, pauvre chérie. Quelle nature volontaire! Tu n'aurais pas été heureuse avec lui, ma Paul !» Paul regardait la porte ouverte, derrière laquelle Raymond venait de disparaître. Elle murmura, « Je crois que si. » « Non, cher enfant, je t'assure, il est d'une intransigeance ridicule en toute matière. Vous vous seriez heurté sans cesse. » Paul tourna vers elle un visage altéré. « Il m'est très pénible de le faire souffrir, maman. » Madame Berthe leva les épaules. Avait-il l'air d'un homme tellement désolé? Je n'ai pas eu cette impression pour ma part. Paul ne releva pas ces paroles de sa mère. Elle ferma un instant les yeux, peut-être pour concentrer sa pensée sur ce dernier regard de Raymond, où elle avait vu tant de douloureuse tendresse et de souffrance qui se taisaient. Au début de février, maître Raymond Evène fit entendre sa plaidoirie au procès Vallier. La vaste salle des assises ne put recevoir tous ceux qui, longtemps à l'avance, avaient intrigué pour obtenir une entrée. Car l'affaire était sensationnelle. L'accusée appartenait à une vieille famille normande. Pauvre, orpheline, elle avait été appelée à Paris près d'une tante de sa mère pour lui servir de lectrice. Madame de Mury, très riche, mais avare et désagréable, ne lui épargnait pas les rebuts. Un voisin, le comte de Chamerade, qu'avait touché la grâce délicate et la tristesse d'Antoinette de Vallier, la demanda en mariage. La tante donna son consentement, mais pas de dot. La date du mariage fut fixée. Quelques jours auparavant, la vieille dame mourait après d'affreux vomissements et une douloureuse agonie. Rendu soupçonneux par certains indices, les médecins firent l'autopsie qui amena la découverte d'arsenic dans les viscères. De recherche en recherche, toutes les preuves se réunirent sur Antoinette, la plus proche parente. Elle fut arrêtée. Sur le conseil de son fiancé, elle demanda à maître Evène de la défendre. Après chacune de ses visites à Saint-Lazare, Raymond revenait plus fermement persuadé que cet enfant frêle et timide n'était pas coupable. Cependant, des charges accablantes pesaient sur elle. Au cours du procès, maître Evène avait pu en réduire à néant quelques-unes, mais d'autres restaient, suffisantes, semblait-il, pour impressionner le jury. La personnalité très connue de M. de Chamerade, alliée à plusieurs familles de l'aristocratie parisienne, faisait de ce procès un événement mondain. Maître Evène avait un auditoire choisi. Dans la pénombre qui s'étendait sur la salle, car les fenêtres très hautes ne laissaient venir qu'un jour rare, des têtes élégamment coiffées s'agitaient. Les regards allaient de l'accusée, brune et fine, d'une pâleur tragique, à son défenseur, le bel Evène, comme on disait au palais. Raymond feuilletait son dossier d'une main tranquille. Mais en lui bouillonnait l'ardent désir de remporter cette victoire, de sauver cette jeune fille dont le mince visage blêmi, les yeux bleus pleins d'une navrante angoisse, revenait sans cesse sur lui comme pour dire « Vous êtes mon seul espoir ». Monsieur de Chamerade se trouvait là. De fugitifs tressaillements agitaient son visage glabre, intelligent et bon, jeune encore, en dépit de la quarantaine. Des amis l'entouraient. On croyait peu, en général, à la culpabilité de Mademoiselle de Vallier. Certains restaient hésitants, comme les juges eux-mêmes. On se montrait, au banc des témoins, une cousine de la victime, Madame Darcier. Elle avait rapporté des paroles de Mademoiselle de Vallier, entre autres celles-ci. « Il m'est affreusement pénible d'épouser, sans dot, Monsieur de Chamerade. Ma tante est une odieuse créature. » Antoinette protestait n'avoir jamais tenu ce propos, comme elle assurait n'avoir jamais eu en sa possession l'arsenic trouvé dans sa chambre. Les sympathies allaient vers elle plutôt que vers Madame Darcier. Celle-ci, petite femme maigre, au dur visage sans grâce, avait montré au cours du procès une inaltérable présence d'esprit. Mais il n'avait pas échappé au juge, non plus qu'à Raymond, qu'elle s'attachait à charger l'accusé, sans violence, avec une perfide modération. Et maître Evène comptait faire fond de cette attitude pour sa défense. Au banc des avocats, maître Daubré dressait sa large carrure. Systématiquement, bien que sans y mettre d'affectation, il évitait Raymond, dont l'habituelle froideur à son égard s'accentuait en se nuançant de mépris. Les obligations professionnelles seules les rapprochaient. On n'était pas sans l'avoir remarqué au palais, et comme tout se sait, on n'en ignorait pas les causes. Les sympathies confraternelles allaient à Evène, très aimé et qui inspirait l'estime par la dignité de sa vie, la force de ses convictions et la valeur de son jeune talent. Paul se trouvait dans l'auditoire entre sa mère et Ariane Daubray. Son mariage devait être célébré la semaine suivante. Elle semblait un peu lasse, un peu nerveuse. Madame Berthe la surmenait en l'emmenant de magasin en magasin, de visite en visite. Paul se laissait faire sans paraître désirer quelques moments pour se recueillir avant d'engager sa vie. Le président Daubray, qui dirigeait les débats, annonça « La parole est à Maître Even. » Raymond se leva. Dans le jour déjà assombri, sa svelte silhouette se dressa, drapée dans la robe noire. Sa physionomie avait cette expression d'énergie un peu hautaine qui la virilisait si fortement, en dépit de la finesse des traits, et qui s'accentuait depuis quelque temps. Les yeux apparaissaient fermes et dominateurs dans l'ombre qui envahissait la salle silencieuse. Ce fut une plaidoirie telle que, depuis longtemps, n'en avait entendu la salle des assises. La voix mâle et sonore s'échappa d'abord en période du plus style classique. Puis elle se fit ardemment pathétique en parlant simplement, sans recherche d'effet, de la vie éprouvée, des vertus de Mademoiselle de Valier. Elle eut des accents poignants qui firent courir des frissons à travers l'auditoire. Enfin, arrivant aux accusations portées contre la jeune fille par Madame Darcier, l'avocat, faisant ressortir l'acharnement sournois de ce témoin à charge, s'écria soudain « Et cela, pourquoi ? Pourquoi ?» La voix profonde vibra dans la salle en lançant la terrible interrogation. Puis elle se tut pendant quelques secondes. Un silence tragique plana sur l'assistance. On vit Madame Darcier tressaillir, puis se raidir pour conserver une attitude impassible. Maître Even continua sa plaidoirie. Les visages dans l'auditoire se faisaient indistincts. Paul penchait un peu la tête et froissait entre ses doigts les gants qu'elle avait retirés. Les beaux yeux ardents d'Ariane ne quittaient plus la physionomie animée, si expressive de l'orateur, et ne perdait pas un seul de ses gestes, toujours en accord avec ses paroles. La salle maintenant s'éclairait. Maître Even apparut dans la pleine lumière et les robes rouges des juges reprirent la teinte éclatante que l'ombre adoucissait tout à l'heure. L'accusée regardait son défenseur et de grosses larmes, dont elle ne s'apercevait pas sans doute, glissaient le long de ses joues pâles. Le président prononça une suspension d'audience. Au milieu du brouhaha, tous les membres de l'ordre présents entourèrent Even. Le bâtonnier, dont il avait été le secrétaire, lui serra la main avec chaleur. « C'est une des plus grandes joies de ma vie que vous me donnez là, Even. » L'enthousiasme était sincère, sauf chez quelques jaloux, comme toujours. Daubray eut un mot bref en détournant son regard sourdement irrité de celui de Raymond. Leurs mains se touchèrent à peine. Daubray s'éloigna à la recherche de sa fiancée. Raymond gagna la buvette, puis alla rejoindre sa cliente. Devalier eut une crise de larmes en l'apercevant et tendit les mains vers lui. « Vous allez me sauver ! Oh, dites, dites !» Elle était pitoyable et frêle, toute attendrissante dans sa faiblesse, dans l'humiliation atroce de ce procès qui la livrait à la curiosité publique. Raymond, en tenant ses mains tremblantes, la rassura, l'encouragea avec une ferme douceur. Il avait espoir, très grand espoir. Mademoiselle de Valier serait rendue à son fiancé. Et il songeait que cela du moins soit heureux. Toute la chaleur pathétique qui avait fait frémir l'auditoire dérivait de cette pensée, de cette souffrance dont il venait d'être meurtri. Il avait plaidé moins encore pour faire triompher une cause qu'il croyait juste que pour épargner à M. de Chamerade la douleur de perdre une fiancée très chère. À la reprise de l'audience, Maître Even termina sa plaidoirie. Il montra de sourdes avidités qui, dans l'ombre, guettaient la fortune de la vieille parente. Celle-ci n'avait pas fait de testament. Antoinette, sa seule nièce, était son héritière légale. Mais cette héritière écartée, par suite de sa condamnation, qui recueillait les biens de la défunte. Les regards se tournaient vers Madame Darcier, toujours figée dans son attitude impassible. Maître Evène ne prononçait pas de nom, il ne semblait accuser personne, et pourtant, par la force même de l'évidence, chaque parole désignait celle qui était, après Antoinette, la plus proche parente de Madame de Mury. Avec une sobre habileté, l'avocat faisait ressortir les obscurités de l'accusation, les réticences de certains témoins, les témoignages apportés par d'autres en faveur de Mademoiselle de Valier. Il cita ces paroles de la femme de chambre, omnipotente et peu gracieuse personne qui dirigeait tout chez la vieille dame. « Mais je le regrette bien, maintenant que je la vois accusée d'une chose pareille, car s'il y a une personne qui en serait capable, ce n'est certainement pas elle. » La belle voix mâle savait prendre toutes les inflexions, depuis la douceur caressante jusqu'à l'indignation fougueuse. Elle se faisait ironique, très finement, puis, en d'amples périodes d'une clarté admirable, elle redevenait calme, sereine, continuant sans passion à démonter pièce par pièce l'accusation forgée contre Antoinette de Valier. Une dernière fois, elle s'éleva pour une poignante péroraison, faisant appel à la raison, à la logique de ceux qui, tout à l'heure, proclameraient l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. Puis elle se tut. Pendant un long moment, après que le défenseur se fut assis et couvert, l'immobilité continua dans le prétoire et dans la salle. Raymond, devant ce silence, comprit alors toute l'étendue de son succès. Il venait de tenir sous le charme cette foule, ses vieux avocats, ses juges, tous gens blasés. Il les avait dominés par la maîtrise de son talent, subitement révélé, jailli de son cerveau et de son cœur sous l'influence de la souffrance. Un peu d'orgueil s'agita en lui. Il était jeune, il se sentait en pleine vigueur intellectuelle et il aimait la gloire comme tous les humains. Il eut la vision soudaine des triomphes qu'il attendait dans cette carrière dont il deviendrait l'un des maîtres. La griserie fut brève. Il pensa « Ses succès, je les aurais offerts à Paul. J'aurais été heureux de lui donner un nom célèbre. Mais maintenant... » Le jury se retirait. La délibération fut brève. Quand il reparut, il y eut un long mouvement dans la foule. M. de Chamerade, haletant, se pencha un peu comme pour mieux entendre l'arrêt, qui était le sien aussi bien que celui de sa fiancée. Le jury ne reconnaissait pas coupable Antoinette de Valier. Un souffle de soulagement parut courir à travers la salle. M. de Chamerade se redressa, la physionomie détendue, les yeux remplis de joie. Mademoiselle de Valier s'évanouit. On l'emporta inerte hors de la salle. Raymond, peu après, échappant aux congratulations, alla s'informer des nouvelles de la jeune fille. Elle venait de revenir à elle et demandait son défenseur. Quand il la quitta, la laissant avec M. de Chamerade, et tout ému encore de leur reconnaissance, de leur bonheur, il se vit arrêter à chaque pas avant d'atteindre la galerie de Harley. Une jeune personne, vêtue d'un élégant manteau vert foncé, se glissa entre les groupes et vint à lui. C'était Ariane, dont les yeux brillaient, dont la voix enthousiaste disait « Permettez que la petite stagiaire de demain vous félicite à son tour !» Depuis leur commun séjour au Grand Sapin, il ne l'avait revue qu'au passage et rarement. Il lui semblait qu'une certaine froideur s'était glissée dans les rapports de Paul avec elle. Son premier mouvement fut de se raidir. N'était-elle pas la sœur de Daubray? Mais il se détendit aussitôt devant ce regard jeune et sincère. « Vous m'avez ému, transporté. Un moment, j'ai même senti les larmes qui arrivaient. Or, je ne pleure jamais. » Il y aura sans doute assez d'occasions pour moi de le faire plus tard. C'est donc un nouveau succès pour vous. » Elle eut son rire léger, un peu ironique, mais ses yeux semblaient conserver l'éclat très doux de ses larmes que la parole d'Evène y avait fait monter tout à l'heure. Il répliqua avec une gaieté mêlée d'émotion. « Un réel succès, en effet, car je n'ignore pas, d'après vos affirmations, quel jeune sceptique vous êtes. » Mais le sourire, subitement, s'effaça de ses lèvres. Madame Berthe s'avançait, précédant sa fille. La mine aimable, elle saisit la main de son jeune parent et la serra avec force. « Mon cher ami, quelle révélation ! Vous ne prévoyez pas cela, ma tante ?» Elle ne comprit pas l'intention mordante, mais Paul l'avait saisie car ses lèvres tremblèrent et la transparence de son teint s'éclaira d'un rose vif, tandis que se détournait son regard troublé. Elle adressa à son cousin quelques mots auxquels il répliqua avec une froideur polie. Puis des amis entourèrent Raymond. Tout en leur répondant, en serrant les mains tendues vers lui, il vit s'éloigner Paul en compagnie de Ferdinand qui l'avait rejointe. Raymond détourna les yeux. En cette minute, toute la souffrance cachée en lui criait, effaçant presque l'ivresse du succès. En quittant le palais pour regagner sa demeure, il songeait « Je ne devrais pas tant la regretter. Elle n'est pas ce que je pensais pour pouvoir s'éprendre d'un Daubré. » Mais trop de jeune amour, de tendresse forte, protectrice et de fidélité sans défaillance avaient existé en lui pour que son rêve mourût sans déchirement. Dans le salon, Madame Évène faisait la lecture à son mari dont les yeux se fatiguaient vite. Souffrante, elle n'avait pu aller entendre Raymond. Quand il entra, elle leva la tête avec une vivacité dont elle n'était pas coutumière. « Eh bien, mon chéri, acquitté, maman, et un grand succès pour votre fils !» Le colonel s'exclama. « Je m'y attendais, mon garçon !» Raymond vint à sa mère et posa sur ses genoux une gerbe d'œillets roses qu'il venait de choisir pour elle. Puis il mit un long baiser sur la main qu'elle lui tendait. Leurs yeux se rencontrèrent. Ceux de Raymond disaient « C'est à vous, ma chère confidente, ma conseillère, que je fais hommage de ce succès. » Dans le regard de Madame Évène, la joie calme se mêlait à la plus profonde tendresse. Raymond s'assit entre ses parents et le colonel, posant une main sur l'épaule de son fils, le considéra avec un affectueux orgueil. « Eh bien, raconte-nous cela, mon enfant !» Tandis que Raymond parlait, Madame Évène ne le quittait pas du regard. Elle notait le geste un peu nerveux de la main, quelques contraintes dans le sourire, des ombres de souffrance passagère sur les yeux trop graves. Mais elle ne le questionna pas, elle savait que la main d'une mère elle-même ne peut toucher certaines blessures, que le temps, et surtout la foi, vivante et profonde, serait seule capable d'adoucir, de fermer peut-être.